couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy, au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+ pour votre demi-heure avec les artistes de la région, également de la grande région. Coucou à vous qui nous écoutez de Strasbourg, de Reims, en passant par Nancy, Metz, vos couleurs, c'est en Meuse. On va pas faire de géographie sur cette demi-heure-là, mais on va bien nourrir vos oreilles, nourrir votre cœur, nourrir votre âme, votre esprit de mélomane. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux depuis 7 ans à nous écouter, car vous aimez la musique et ça tombe bien. On est là pour ça les samedis, les 13h et les dimanches à midi. Je m'appelle Pierre, bonjour. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux directement. Fadjet-du-6 couleur locale sur Instagram et sur Facebook. Et évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas que le podcast sera disponible ce dimanche à 18h si vous avez raté cette première minute d'émission. Car on y arrive dans 4, 3, 2, 1. C'est déjà la première minute et la présentation est terminée. Je fais des efforts, même si je continue à présenter, donc du coup... Pas tant que ça. Allez, sans transition, je ne suis pas la star de cette émission. La star, ce sont mes invités et j'ai le plaisir de recevoir un compagnon fan de catch. Et ça déjà, ça pour moi, ça en veut dire long parce qu'en France, être fan de catch, finalement, il y en a beaucoup moins qu'à une époque. Alors pour ça, je l'aime déjà beaucoup et je vous présente cet artiste pop folk passionné de musique depuis l'âge de 8 ans qui a en plus une histoire assez particulière à raconter. Nous sommes avec Pierre-Alex. Bonjour Pierre-Alex. Bonjour Pierre. Pierre-Alex, Pierre, voilà. Ouais. Au moins, ouais. on va essayer de pas se perdre. Comment tu vas? Bah écoute, je vais très bien et toi-même? Eh bien écoute, ça va super. Alors, pop folk. Ouais. Ça veut dire quoi, pop folk? Pop folk, bah on va dire que c'est un mélange de folk traditionnel. Et de pop. Et de pop, tout simplement. Ouais, non mais c'est un peu bête à expliquer, mais oui, c'est mes influences, en fait. Ce sont tes influences. Tu cites sur ton dossier de presse, notamment Phil Collins. Phil Collins, qui n'a rien à voir avec la pop folk. Qui n'a rien à voir avec la pop folk. Mais un peu plus pop quand même de base. Mais Phil Collins m'a emmené en fait vers le chant. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais faire chanteur, mais j'en avais pas le courage. Et donc, du coup, j'ai commencé par la batterie. Okay. Et ça m'a redirigé vers le chant. Tu vois. Et ça, c'est rigolo, un peu la carrière de Phil Collins. Tu vois. Phil Collins, ça, voilà, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que des batteurs-chanteurs, il n'y en a pas beaucoup et c'est vraiment c'est rythmique, il n'y a même pas de mélodie, etc. Coup, ok. Ok, super, très très bien. Alors, bah, dans les influences, tu cites Brad Paisley. Paisley, yeah. You're Italian. Of course. Et surtout, of course, MM. Et surtout, dont tu as fait la première partie, enfin, tu as fait une chanson avant lui, je crois. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Chedid de suite à son concours Nombril. Ouais. Et du coup, il m'a invité à chanter avec lui au Galaxy d'Amnéville, trop effectivement. Bien. Et puis cette aventure m'a mené jusqu'à faire la première partie à Paris-Bercy en juin 2023. Incroyable, chers auditeurs. Franchement, quand on a entendu ce genre de truc... Et quand on a vécu ce genre de truc, on peut, j'allais dire, mourir tranquille. On peut vivre d'autres choses quand même. Mais on peut vivre d'autres choses. Mais c'était inoubliable. Donc là, tu es auteur quand même de plusieurs EP albums. On en a un qui est sorti en 2023, qui s'intitule Acoustics Live. Ouais. 2024, c'était l'album Blue Light. Et puis l'EP, le dernier sorti, Acoustic Love, qui est sorti en janvier. C'est ça, exactement. Ok, donc on est passé de Acoustic Live... Acoustic Love, ouais. Au moins on reste dans le même... J'aime bien cette façon de suivre un peu comme, tu vois, des tomes qui suivent d'un livre, tu vois, avec toujours un mot commun, j'aime bien, une évolution en fait. Il y a une base et une évolution. Donc c'est des EP et des albums qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, Deezer, exactement. Spotify, YouTube... Oui, disponible partout, gratuitement. CD aussi? CD non, non, non. CD, non. C'est vraiment dématérialisé. Vraiment dématérialisé. Alors... On en parle quand même parce que tu as une particularité, c'est que tu es malvoyant, c'est ça? On peut dire ça comme ça? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc, je suis atteint d'une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative liée à la rétine. Et donc du coup, c'est une maladie qui mène jusqu'à la cécité. Okay. Et donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette voie, entre guillemets, la musique. Donc remplacer la vue par le son et passer un message par le son? Ouais, exactement. Je sais pas si c'est intelligible, mais... Non, mais c'est un peu ça. C'est surtout que bah, mes oreilles, voilà, c'est ce qui me reste de plus, compétent. Compétent, performant. Voilà. Okay. Et donc, du coup, voilà, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers la musique. Ok, super. Enfin, je dis super. Quelque part, il y a une forme de... C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Exactement. Ok, d'accord. Mais on aura l'occasion d'écouter ton univers. Est-ce que, du coup, dans tes textes, est-ce que tu parles un peu de ta condition ou tu parles d'autres choses? Alors, je parle souvent, ça paraît bête, mais souvent d'espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, la base de beaucoup de morceaux que j'ai écrits, c'est quand même mon handicap. Et, alors, sans citer le handicap, mais à travers les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais toujours avec une dose d'espoir et puis souvent aussi des hommages à des gens qui m'ont soit inspiré, donc donné la force d'aller plus loin, soit des gens directement de mon entourage que j'aime beaucoup et qui m'aident au quotidien. Ok. Et parmi ces gens, on a la chance d'avoir, on va lui donner un petit peu la parole, ton papa qui est avec nous. Bonjour, oui. Monsieur le papa. Bonjour. Voilà, donc qui t'accompagne aussi, puisque ouais. C'est un peu compliqué. Depuis mon plus jeune âge, mon père et mes parents, même ma maman qu'on salue également, parce que sinon elle sera jalouse, qui m'accompagne depuis mon plus jeune âge sur mes premiers concerts, depuis l'âge de 16 ans. Okay. J'ai beaucoup de chance de les avoir. Vous êtes fier, monsieur le papa, de votre fils ? Ah bah, très très fier. Alors, je suis, une journée comme aujourd'hui, ses jambes et ses yeux. Voilà. Alors vous dites « Je suis ses yeux » et moi j'ai envie de m'attarder sur la première chanson qu'on va écouter puisque c'est « She's my eyes », donc yes. « Elle est mes yeux », ça parle d'une petite amie. Ça parle de ma compagne. De ta compagne. De la mère de mon enfant. Donc, ouais. D'accord, donc t'as pas mal de pères d'yeux en fait autour de toi. Ouais, c'est ça. Et cette chanson-là, elle est sur la compagne, la maman de ton fils. Voilà, elle est pour ma chère étant. Fille. C'est pour mon fils, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Ok, très bien. She's my eyes. Bah, chers auditeurs, je vous propose, et je vous propose à vous aussi, qui êtes là sur le plateau, d'écouter ce morceau. Et puis, et puis après, on continue l'interview. Ça vous va ? C'est parti. Ok, allez, on est parti avec Pierre-Alex, She's my eyes, sur Fadjet dans Couleur Locale. Today I wake up in my bed next to my love and I feel so good. You know that she's the best. Sometimes she's sad but I'm perfect, but I know that he's strong, but she's loving me. If I see only fruit. Somebody wants to know what I can feel when I look in her heart. I know that she's my eyes for life. She drives me on the world, around the world. She accompanies me to all my concerts. When she kisses me to give me some courage, she made me strong but I never be. And that's why I love her. Somebody wants to know what I can feel when I look in her heart. I know that she's my eyes for life. I know that she's my eyes for life. I know that she's my eyes for life. Somebody wants to know what I can feel when I look in her heart. I know that she's my eyes for life. I know that she's my eyes for life. I know that she's my eyes for life. She's my eyes de Pierre Alex sur Fadjet dans Couleur Locale. Vous écoutez Couleur Locale sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+, que vous nous écoutiez samedi ou dimanche. Il est samedi, il est 13h10, dimanche, il est midi 10. Bon appétit! J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. En tout cas, moi, j'ai adoré, une vibe un peu country comme ça. Vachement sympa. C'est toi derrière l'harmonica, j'imagine. Exactement. Incroyable. Trop bien. C'est des EP autoproduits complètement, que ce soit au niveau de l'enregistrement, des instruments. Je fais tout seul. Tout seul. Ouais. Est-ce que tu fais de l'harmonica en jouant de la guitare ? Oui. En fait, j'aime bien créer de la musique que je peux reproduire telle quelle en live. J'aime pas trop tricher avec du montage, etc., audio derrière. Donc je joue comme en live quand j'enregistre. Ok. En tout cas, ouais, c'est vraiment une belle vibe. C'est pas forcément un truc qu'on entend beaucoup. Oui. De nos jours, mais en tout cas, j'apprécie particulièrement. T'as appris l'harmonica avant la guitare ou la guitare avant? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas appris l'harmonica. J'ai beaucoup de respect pour les harmonicistes. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais non, en vrai, je n'ai pas appris l'harmonica. J'ai investi dans un harmonica un peu sur un coup de tête, ouais, en me disant que ça apporterait un peu à mes compos, et j'ai eu la chance que ça se passe bien. Donc tu fais ça à l'oreille, quoi, ouais, à mort, quoi. Ouais, t'as compris comment fonctionne l'instrument et ouais, j'ai pas de technique. Après, les professionnels le remarqueront sans doute. Mais voilà, je joue juste avec le cœur et avec les instruments qui m'entourent. Voilà. Ah, les professionnels, surtout, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'arriver à souffler dans un seul trou. C'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Là où, ça. Quand nous, on joue un peu pour s'amuser, c'est... Oui. Bon. Cela dit, l'instrument est fait pour que ça marche. Oui. On va être honnête, c'est fait pour que ça marche. Bon, on va pas parler 3 heures d'harmonica. Ok, d'accord, She's My Eyes. Des grands artistes là que tu peux nous reciter, peut-être une grande inspiration sur lesquelles les auditeurs vont pouvoir s'appuyer pour te connaître. J'aime beaucoup Bob Dylan aussi. Bob Dylan ? Ouais, okay. Bob Dylan qui... qui n'a pas souvent été présent dans mes influences d'avant, mais c'est plutôt récent. Mmh. Et en fait, c'est venu de... J'ai présenté ma musique à justement quelqu'un de proche de Mathieu Chédid, et il m'a dit il y a une grande patte, Bob Dylan. Okay. Et donc, du coup, je me suis intéressé à l'artiste, et effectivement, malgré moi, je me suis rapproché de cet univers. D'accord, ok. Pas mal de concerts aussi que tu as fait. On espère qu'on pourra te voir à un moment donné. C'est en cours, il y a des petites pièces qui sont lancées un peu partout. Alors, j'imagine, ouais. C'est un peu dur en ce moment. Ouais, il y a deux choses. C'est que, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est que je suis en écriture. Ouais, là t'es en écriture. Et du prochain album, qui sera le premier album en français d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, parce que là tout est en anglais. Là, tout est le en début. Anglais, ouais. Et donc, non, là je suis en séance d'écriture, c'est bientôt fini. Ouais. Et donc, ce prochain projet se fait en deux phases, parce qu'il y a l'écriture du coup de l'album qui est en cours, et en même temps, je recrute des musiciens. Ah ouais. Voilà, donc je recherche un batteur, un guitariste, un clavier et un bassiste. Un guitariste, un clavier, un bassiste. Le message est passé. Voilà, le message est passé. Pour rejouer les anciennes compos, réorchestrées bien sûr. Et, parce qu'il y a des versions électriques qui existent de ces compos déjà sorties. Et donc pour travailler sur le prochain album en français. Voilà. Donc le projet est là et les dates seront à venir, je pense, 2027, raisonnablement. Ok. T'as déjà des pistes pour trouver des musiciens, ou c'est une bouteille à la mer qui a été lancée récemment? J'ai lancé une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux, j'ai eu 2-3 retours, mais il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ouais, n'hésitez pas. Ok, et bien peut-être que Fadjet, comme à son habitude, sera un entremetteur de talent. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Je reviens quand même sur un truc, donc tout a été écrit en anglais. Oui. Pourquoi tu souhaites faire un album en français, du coup? Pour que ça parle plus rapidement aux gens, tout simplement. Pour la plupart des gens. Ouais, pour la plupart des gens. Et ne serait-ce que quand on rend hommage à quelqu'un de notre entourage, des amis, ou qui parle pas forcément anglais d'ailleurs, et pour que ça aille droit au cœur, en fait, je me suis dit que c'était plus simple, que ce soit pour moi m'exprimer ou pour la personne de comprendre, d'aller simplement, le plus simplement possible, à l'essentiel. Alors pourquoi le choix en anglais à la base du coup ? Je retourne la question dans l'autre sens. Je dirais qu'à la base, le manque de confiance en moi que j'avais quand j'ai commencé à écrire et à composer m'a dirigé vers l'anglais parce que justement, pour les mêmes raisons que je viens de citer, les gens comprenaient moins ce que je disais. Et donc du coup, je me mettais moins la pression à dire, bon bah s'ils n'aiment pas ou si le texte ne leur parle pas, peut-être qu'ils ne l'ont pas compris. Souvent quand je pose la question, on a cette réponse aussi de... comme c'est pas la langue maternelle de nous-mêmes et des gens autour de nous, il y a ce côté un peu plus retiré, mesuré, prudent que quand on dit les choses en français directement des gens francophones. Quoi. C'est moins brut. Ça paraît moins brut au début. Et puis après, il y a toujours cette petite voix en tête qui se dit, si jamais quelqu'un à l'autre bout du monde aime ce que je fais, peut-être que là, en anglais, ça ira plus vite. Possible aussi, hein, c'est la langue internationale finalement. Exactement. Ok. Je crois que je t'ai pas posé la question, mais si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on fait comment ? Tu parlais de réseaux justement, Facebook. Il suffit d'aller voir sur. Alors, il y a plusieurs canaux, façons. Ouais, façon. Plusieurs canaux. Ouais. Il y en a. Souvent c'est Pierre Alex Dory, D-O-R-Y. Ok. Normalement, si on tape ça, on trouve. Mais des fois, c'est marqué Pierre Alex officiel et tout ça. Mais c'est Pierre Alex Dory. Et normalement, on trouve sur Insta, Facebook, YouTube, Deezer, Spotify, etc. Ok, super. Eh bien, on va te suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez entendu. Si vous avez envie de rejoindre l'aventure, il reste encore de la place. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Je vous propose d'écouter un deuxième morceau. Alors, le premier morceau, She's My Eyes, parlait de parle de ta compagne. Et le deuxième morceau qu'on va écouter s'appelle Miss Loretta. Alors, c'est qui ? Alors, Miss Loretta, c'est un hommage à Loretta Lynn, une grande artiste américaine de la country music. Ok. Et c'est une chanson qui a double sens. C'est un hommage que je lui rends à travers cette chanson. Et c'est aussi un message d'espoir et d'incompréhension que j'ai eue par rapport à certaines personnes de mon entourage. Ok. Voilà. Très bien. Eh bien, on va écouter ça, c'est déjà en fond. On le monte un peu, c'est Miss Loretta de Pierre-Alex. Et on se retrouve après pour la suite et la fin de l'interview. Vous écoutez Fadjet, couleur locale, vous y êtes bien, restez-y. Even if the light is over, I can feel every finger around. If I love some people, it's hard to stay indifferent. Like Loretta Lynn, I ask myself about me. I'm trying to understand what people keep inside themselves. And the question is, who's gonna miss me when I'm gone? Yes, who's gonna miss me when I'm gone? I know Van, my friend, he's so cool, but I know that one day this friendship will end. La Loretta Lynn, I ask myself about me. I'm trying to understand what people keep inside themselves. the question is, who's gonna miss me when I'm gone? Yes, who's gonna miss me when I'm gone? Who's gonna miss me if I'm gone? If I'm gone, I know that you miss me. If I'm gone, I know that you miss me. If I'm gone, but don't worry, I'm staying here. Yes, I will stay here for you. Yes, I will stay here for you. Miss Loretta de Pierre-Alex sur Fadjet dans Couleur Locale. Est-ce que ça va toujours? Bah oui, écoute, ça va super, ouais. J'étais dans mes pensées, tu vois, c'est la magie de la musique, tu vois. Je me revois, tu sais, quand je l'ai composé, tu vois, ou quand j'enregistrais, je repense aux émotions que j'ai ressenties. Ok. Ouais. Des bonnes émotions, des émotions mitigées des... Non, c'est des chansons qui me donnent beaucoup de force. Ouais. Donc, non. Ok. Alors, on rappelle que ce morceau-là, il est issu du dernier EP, Acoustics Love, oui, qui est sorti en janvier, je crois. Oui, c'est ça. J'aime bien lire un peu comment les artistes le présentent sur le dossier de presse que tu m'as envoyé. Tu as marqué que c'est un EP qui poursuit la trajectoire intime et sincère donc de toi-même, oui, avec des mélodies encore plus riches et des paroles axées sur l'amour et la bienveillance. C'est un EP qui dévoile une nouvelle facette de toi-même, à la fois doux et puissant. Enfin, douce et puissante, enfin, la facette. Vous avez compris. À la fois doux et puissant, fidèle à son univers de partage. C'est beau. Bah, écoute. Le prochain album, il sera un peu dans le même délire là, dans la continuité, ou on va avoir une cassure un peu? Alors, il ira. À part le fait qu'il sera en français. Alors, il ira encore plus loin dans les textes, ce sera encore plus sincère. Voilà, c'est d'où le titre de l'album, hein, que j'ai déjà. Il s'appellera Cœur sur table, et c'est vraiment. Cœur sur table. Voilà, c'est vraiment. Jeu de mots entre carte sur table et à cœur ouvert. Ah ouais. Cœur sur table. Voilà, ok. Exactement. Et du coup, non, au niveau du style, justement, il va y avoir peut-être une petite cassure, j'en dis pas trop, mais ça sera effectivement un peu plus électrique, un peu plus groovy. Ok. On va s'éloigner un peu de la folk, mais toujours avec peut-être une petite base, mais on va se rapprocher un peu du groove et okay, super. Un peu proc. Eh bien, écoute, on a hâte de découvrir ça. On rappelle que tu es sur toutes les plateformes avec donc tes deux EP, Acoustic Life, Acoustic Love et le B Blue Light et pas le B Blue Light, ça sent un peu bizarre, sur Deezer, Spotify, etc. On peut te suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Là, tu es en cours d'écriture de ce prochain album qui nécessitera également le concours de musiciens. Audition de musiciens, on a fait passer le mot, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, on attend peut-être de te voir un jour sur scène, ça pourrait être sympa. de voir de te voir performer. En tout cas, moi, j'imagine bien ce style à bien des égards. En tout cas, sur scène, ça peut être vachement cool. On va conclure cette émission. Alors, avant d'écouter un dernier morceau, on va faire une petite mise en situation. Tu veux bien un petit jeu, petit jeu sympa. Je vais te donner deux scénarios et tu vas me dire lequel ça commence bien. Tu vas me dire lequel t'inspirerait le plus l'écriture d'une chanson. Okay, ok. Premier scénario. Tu es dans un train. Nous sommes au mois de février, fin février. Il est 17h. Le soleil est en train de se coucher. On n'est pas encore au printemps, mais ça devient quand même un peu bon. Tu rentres d'une tournée, tu es éreinté. Tu es assis sur le siège et tu ressens dans tes pieds le cliquetis des roues du train sur les rails. Ton nez est en alerte, tu sens l'odeur de café du vieux monsieur qui est derrière toi. Tu entends un bébé au fond de la rame qui est en train de pleurer. Tu ressens le soleil couchant et ses rayons caresser ton visage. Et tout ça, ça t'inspire. Ça te fait penser peut-être à une personne que tu as connue ou que tu connais. Ça te fait penser à la nuit qui prend la place du jour. Ça te fait penser à... Peu importe, c'est quelque chose qui t'appartient. Et donc, du coup, tu te mets à fredonner ou tu te mets à écrire dans ta tête. Voilà, il se passe un truc. Il y a des premiers vers, des premières rimes qui arrivent. Et c'est déjà les ébauches d'une première chanson. Ou les deux, ou aucun des deux. Il est 3h du matin, tu es dans ta chambre, dans ton lit, tu te réveilles, seul ou accompagné, ceci ne nous regarde pas. Dehors, la lune et ses rayons sont apaisants et caressent encore une fois, hein, c'est un peu la thématique commune de ces deux scénarios, ton visage, peut-être à travers le Velux, je ne sais pas si c'est un Velux ou une fenêtre, hein, des volets entrouverts, des petits rayons qui arrivent comme ça et qui caressent ton visage. Il est 3h du matin et cette nuit est silencieuse. Mais pour autant, et ça on le sait très bien, le silence de la nuit, c'est pas le silence conventionnel. Il se passe toujours un truc dans la nuit. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à en comprendre et à entendre. Tu te réveilles et t'as cette sensation bizarre parce que tu as fait un rêve. Mais ce rêve, il commence à s'évaporer. Et t'as pas envie de le laisser s'évaporer parce que dans ce rêve, il y avait une situation congrue ou incongrue. Peut-être que dans ce rêve, il y avait une mélodie. Que tu as entendu quelque chose qui n'existe pas, peut-être qu'il y a eu un message ou pas. Mais en tout cas, tu as ce sentiment que, ouais, il s'est passé un truc et tu as envie d'écrire sur ce truc-là. Alors tu vas te redresser doucement. Les amis, hein, quand on se réveille en pleine nuit, on se redresse très doucement parce que sinon on peut risquer de te faire un malaise. Tu te redresses et voilà, tu te mets à fredonner. Alors si tu accompagnes à côté de toi, tu fais doucement parce que doucement, les amis, aussi en pleine nuit, il faut faire attention à ne pas gêner nos compagnons. Peu importe, peut-être que tu écris quelque chose. Et tout ça est aussi les débuts de l'ébauche d'une chanson. Alors, plutôt train soleil couchant, plutôt réveil nocturne, les deux, aucun des deux, qu'est-ce qui inspirerait Pierre-Alex l'écriture d'une chanson le plus ? En fait, c'est même au-delà de ça. Alors, je pense que même ma chérie pourrait répondre à ma place. Ah ! Parce que le deuxième scénario, okay. C'est 80% des... Une composition que j'ai faite. D'accord, bon, bah comme ça. Donc en fait, voilà, tu vois, donc t'as ta réponse, le deuxième scénario à 200%, parce que ça arrive encore okay. Aujourd'hui. Mais très bien. Mes chansons ont été composées la nuit. Super. Merci Pierre-Alex d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. On rappelle que tu es sur les réseaux sociaux, Facebook, que ton dernier EP est sorti en janvier, donc Acoustic Love est disponible sur Deezer, Spotify, etc. Cœur sur table, album à venir, on a des musiciens, on les cherche, répondez à l'appel. Le podcast de l'émission sera disponible sur mon Spotify ce dimanche à 18h. On te souhaite le meilleur à toi et à ton papa. Qu'on remercie de t'avoir amené quand même. Merci Pierre, merci à toi. Avec merci plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Alex et on va se laisser quand même en musique. Ouais. Avec le titre, là, je le mets un peu en fond, comme ça il va monter tranquillement. C'est Like My Heroes. Ouais. Alors, Heroes au pluriel, donc ça parle de plusieurs personnes. C'est un hommage à tous les artistes que j'aime, comme Brad Paisley ou Mathieu Chedid. Ok, au moins carré, on voilà. A compris. Et on écoute ça, c'est Like My Heroes, issu de l'EP Acoustic Love de Pierre-Alex. Et on est sur Fadjet. Vous étiez sur Fadjet dans Couleur Locale. À très bientôt, chers auditeurs. Encore merci à toi. Merci. I'm always wrong to find my way and realize my wish. And I know if I work every day on my guitar, on my voice. Tonight we told the day is to play like my hero. Sing the song like Brad Paisley. I feel a country music all night long. Play guitar like him and his dream of Gaddafi Road. Stay sitting on this great hill with my musician family, and we play for long time. And I hope that my girlfriends know that every song is for her and my heart more. And now I give you my world. Sing the song like Brad Paisley. I feel the country music all night long. Play guitar like him. Let's dream of Gaddafi Road. It's all I am. It's a dream I've got after all.